Chapitre 4. Deux ans s'étaient écoulés depuis le jour où la comtesse Labinska avait arrêté sur les lèvres d'Octave la déclaration d'amour qu'elle ne devait pas entendre. Octave, tombé du haut de son rêve, s'était éloigné, ayant au foie le bec d'un chagrin noir, et n'avait pas donné de ses nouvelles à Praskovie. L'unique mot qu'il eût pu lui écrire était le seul défendu. Mais plus d'une fois la pensée de la comtesse, effrayée de ce silence, s'était reportée avec mélancolie sur son pauvre adorateur. L'avait-il oublié? Dans la divine absence de coquetterie, elle le souhaitait sans le croire, car l'inextinguible flamme de la passion illuminait les yeux d'Octave, et la comtesse n'avait pu s'y méprendre. L'amour et les dieux se reconnaissent au regard. Cette idée traversait comme un petit nuage le limpide azur de son bonheur et lui inspirait la légère tristesse des anges qui, dans le ciel, se souviennent de la terre. Son âme charmante souffrait de savoir, là-bas, quelqu'un malheureux à cause d'elle. Mais que peut l'étoile d'or scintillante en haut du firmament pour le pâtre obscur qui lève vers elle des bras éperdus? Au temps mythologique, Phébé descendit bien des cieux en rayons d'argent sur le sommeil d'Endymion, mais elle n'était pas mariée à un comte polonais. Dès son arrivée à Paris, la comtesse Labinska avait envoyé à Octave cette invitation banale que le docteur Balthazar Cherbonneau tournait distraitement entre ses doigts. Et en ne le voyant pas venir, quoiqu'elle l'eût voulu, elle s'était dit avec un mouvement de joie involontaire « Il m'aime toujours ». C'était cependant une femme d'une angélique pureté et chaste comme la neige du dernier sommet de l'Himalaya. Mais Dieu lui-même, au fond de son infini, n'a pour se distraire de l'ennui des éternités que le plaisir d'entendre battre pour lui le cœur d'une pauvre petite créature périssable sur un chétif globe perdu dans l'immensité. Praskovie n'était pas plus sévère que Dieu, et le comte Olaf n'eût pu blâmer cette délicate volupté d'âme. « Votre récit, que j'ai écouté attentivement, dit le docteur à Octave, me prouve que tout espoir de votre part serait chimérique. Jamais la comtesse ne partagera votre amour. Vous voyez bien, monsieur Cherbonneau, que j'avais raison de ne pas chercher à retenir ma vie qui s'en va. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'espoir avec les moyens ordinaires, continua le docteur, mais il existe des puissances occultes que méconnaît la science moderne et dont la tradition s'est conservée dans ces pays étranges nommés barbares par une civilisation ignorante. Là, au premier jour du monde, le genre humain, en contact immédiat avec les forces vives de la nature, savait des secrets qu'on croit perdus et que n'ont point emporté dans leur migration les tribus qui plus tard ont formé les peuples. Ces secrets furent transmis d'abord d'initié à initié dans les profondeurs mystérieuses des temples, écrits ensuite en idiomes sacrés incompréhensibles aux vulgaires, sculptés en panneaux d'hiéroglyphes le long des parois cryptiques d'Ellora. Vous trouverez encore sur les croupes du mont Mérou, d'où s'échappe le Gange, au bas de l'escalier de marbre blanc de Bénarès, la ville sainte, au fond des pagodes en ruine de Ceylan, quelques brahmes centenaires épelant des manuscrits inconnus, quelques yogis occupés à redire l'ineffable monosyllabe « Om » sans s'apercevoir que les oiseaux du ciel nichent dans leur chevelure, quelques fakirs dont les épaules portent les cicatrices des crochets de fer de Yagemat, qui les possèdent, ces arcanes perdus, et en obtiennent des résultats merveilleux lorsqu'ils daignent s'en servir. Notre Europe, tout absorbée par les intérêts matériels, ne se doute pas du degré de spiritualisme où sont arrivés les pénitents de l'Inde. Des jeûnes absolus, des contemplations effrayantes de fixité, des postures impossibles gardées pendant des années entières, atténuent si bien leur corps que vous diriez aller voir accroupis sous un soleil de plomb entre des brasiers ardents, laissant leurs ongles grandis leur percer la paume des mains, des momies égyptiennes retirées de leurs caisses et ployées en des attitudes de singes. Leur enveloppe humaine n'est plus qu'une chrysalide que l'âme, papillon immortel, peut quitter ou reprendre à volonté. Tandis que leur maigre dépouille reste là, inerte, horrible à voir, comme une larve nocturne surprise par le jour, leur esprit, libre de tout lien, s'élance sur les ailes de l'hallucination à des hauteurs incalculables dans les mondes surnaturels. Ils ont des visions et des rêves étranges. Ils suivent d'extase en extase les ondulations que font les âges disparus sur l'océan de l'éternité. Ils parcourent l'infini en tous sens, assistent à la création des univers, à la genèse des dieux et à leur métamorphose. La mémoire leur revient des sciences englouties par les cataclysmes plutoniens et diluviens, des rapports oubliés de l'homme et des éléments. Dans cet état bizarre, ils marmottent des mots appartenant à des langues qu'aucun peuple ne parle plus depuis des milliers d'années sur la surface du globe. Ils retrouvent le verbe primordial, le verbe qui a fait jaillir la lumière des antiques ténèbres. On les prend pour des fous. Ce sont presque des dieux. Ce préambule singulier surexcitait au dernier point l'attention d'Octave, qui, ne sachant où M. Balthazar Cherbonneau voulait en venir, fixait sur lui des yeux étonnés et pétillants d'interrogation. Il ne devinait pas quel rapport pouvaient offrir les pénitents de l'Inde avec son amour pour la comtesse Praskovi-Labinska. Le docteur, devinant la pensée d'Octave, lui fit un signe de main comme pour prévenir ses questions et lui dit « Patience, mon cher malade, vous allez comprendre tout à l'heure que je ne me livre pas à une digression inutile. » Là d'avoir interrogé avec le scalpel sur le marbre des amphithéâtres des cadavres qui ne me répondaient pas et ne me laissaient voir que la mort quand je cherchais la vie, je formais le projet, un projet aussi hardi que celui de Prométhée escaladant le ciel pour y ravir le feu, d'atteindre et de surprendre l'âme, de l'analyser et de la disséquer pour ainsi dire. J'abandonnais les faits pour la cause et pris en dédain profond la science matérialiste dont le néant m'était prouvé. Agir sur ces formes vagues, sur ces assemblages fortuits de molécules aussitôt dissous, me semblait la fonction d'un empirisme grossier. J'essayais, par le magnétisme, de relâcher les liens qui enchaînent l'esprit à son enveloppe. J'eus bientôt dépassé Mesmer, Deslon, Maxwell, puis Ségur, Deleuze et les plus habiles, dans des expériences vraiment prodigieuses, mais qui ne me contentaient pas encore. Catalepsie, somnambulisme, vue à distance, lucidité extatique. Je produisis à volonté tous ces effets inexplicables pour la foule, simples et compréhensibles pour moi. Je remontai plus haut. Des ravissements de Cardan et de saint Thomas d'Aquin, je passai aux crises nerveuses des pitis. Je découvris les arcanes des époptes grecques et des nébimes hébreux. Je m'initiai rétrospectivement aux mystères de Trophonius et d'Esculape, reconnaissant toujours dans les merveilles qu'on en raconte une concentration ou une expansion de l'âme provoquée soit par le geste, soit par le regard, soit par la parole, soit par la volonté ou tout autre agent inconnu. Je refis un à un tous les miracles d'Apollonius de Tyane. Pourtant mon rêve scientifique n'était pas accompli. L'âme m'échappait toujours. Je la pressentais, je l'entendais, j'avais de l'action sur elle. J'engourdissais ou j'excitais ses facultés, mais entre elle et moi, il y avait un voile de chair que je ne pouvais écarter sans qu'elle s'envolât. J'étais comme l'oiseleur qui tient un oiseau sous un filet qu'il n'ose relever, de peur de voir sa proie ailée se perdre dans le ciel. Je partis pour l'Inde, espérant trouver le mot de l'énigme dans ce pays de l'antique sagesse. J'appris le sanskrit et le prakrit, les idiomes savants et vulgaires. Je pus converser avec les pandits et les brahmes. Je traversai les jungles où rauque le tigre aplati sur ses pattes. Je longeai les étangs sacrés qu'écaillent le dos des crocodiles. Je franchis des forêts impénétrables, barricadées de lianes, faisant envoler des nuées de chauves-souris et de singes, me trouvant face à face avec l'éléphant au détour du sentier frayé par les bêtes fauves pour arriver à la cabane de quelques yogis célèbres en communication avec les mounis. Et je m'assis des jours entiers près de lui, partageant sa peau de gazelle, pour noter les vagues incantations que murmurait l'extase sur ses lèvres noires et fendillées. Je saisis de la sorte des mots tout-puissants, des formules évocatrices, des syllabes du verbe créateur. J'étudiai les sculptures symboliques dans les chambres intérieures des pagodes que n'a vu nul œil profane et où une robe de brame me permettait de pénétrer. Je lus bien des mystères cosmogoniques, bien des légendes de civilisations disparues. je découvris le sens des emblèmes que tiennent dans leurs mains multiples ces dieux hybrides et touffus comme la nature de l'Inde. Je méditai sur le cercle de Brahma, le lotus de Vishnu, le cobra capello de Shiva, le dieu bleu Ganesa déroulant sa trompe de pachyderme et clignant ses petits yeux frangés de longs cils, semblait sourire à mes efforts et encourager mes recherches. Toutes ces figures monstrueuses me disaient dans leur langue de pierre « Nous ne sommes que des formes, c'est l'esprit qui agite la masse. » Un prêtre du temple de Tirunamalai, à qui je fis part de l'idée qui me préoccupait, m'indiqua, comme parvenu au plus haut degré de sublimité, un pénitent qui habitait une des grottes de l'île d'Elephanta. Je le trouvai, adossé au mur de la caverne, enveloppé d'un bout de sparterie, les genoux au menton, les doigts croisés sur les jambes, dans un état d'immobilité absolue. Ses prunelles, retournées, ne laissaient voir que le blanc. Ses lèvres bridaient sur ses dents déchaussées. Sa peau, tannée par une incroyable maigreur, adhérait aux pommettes. Ses cheveux, rejetés en arrière, pendaient par mèches roides comme des filaments de plantes du sourcil d'une roche. Sa barbe s'était divisée en deux flots qui touchaient presque terre, et ses ongles se recourbaient en serre d'aigle. Le soleil l'avait desséché et noirci, de façon à donner à sa peau d'Indien, naturellement brune, l'apparence du basalte. Ainsi posé, il ressemblait de forme et de couleur à un vase canopique. Au premier aspect, je le crus mort. Je secouai ses bras comme ankylosé par une roideur cataleptique. Je lui criai à l'oreille, de ma voix la plus forte, les paroles sacramentelles qui devaient me révéler à lui comme initié. Il ne tressaillit pas. Ses paupières restèrent immobiles. J'allais m'éloigner, désespérant d'en tirer quelque chose, lorsque j'entendis un pétillement singulier. Une étincelle bleuâtre passa devant mes yeux avec la fulgurante rapidité d'une lueur électrique, voltigea une seconde sur les lèvres entrouvertes du pénitent et disparut. Brahma Logum, c'était le nom du saint personnage, sembla se réveiller d'une léthargie. Ses prunelles reprirent leur place. Il me regarda avec un regard humain et répondit à mes questions. « Eh bien, tes désirs sont satisfaits. Tu as vu une âme. Je suis parvenu à détacher la mienne de mon corps quand il me plaît. Elle en sort, elle y rentre, comme une abeille lumineuse, perceptible aux yeux seuls des adeptes. J'ai tant jeûné, tant prié, tant médité, je me suis macéré si rigoureusement que j'ai pu dénouer les liens terrestres qui l'enchaînent, et que Vishnu, le dieu aux 10 incarnations, m'a révélé le mot mystérieux qui la guide dans ses avatars à travers les formes différentes. Si, après avoir fait les gestes consacrés, je prononçais ce mot, ton âme s'envolerait pour animer l'homme ou la bête que je lui désignerais. Je te lègue ce secret que je possède seul maintenant au monde. Je suis bien aise que tu sois venu, car il me tarde de me fondre dans le sein de l'incréé comme une goutte d'eau dans la mer. » Et le pénitent me chuchota, d'une voix faible comme le dernier râle d'un mourant et pourtant distincte, quelques syllabes qui me firent passer sur le dos ce petit frisson dont parle Job. « Que voulez-vous dire, docteur ? » s'écria Octave. « Je n'ose sonder l'effrayante profondeur de votre pensée. »« Je veux dire, » répondit tranquillement M. Balthazar Cherbonneau, « que je n'ai pas oublié la formule magique de mon ami Brahma Logum, et que la comtesse Praskovi serait bien fine si elle reconnaissait l'âme d'Octave de sa ville dans le corps d'Olaf Labinski. »